Après avoir accompli avec l'aide de Dieu cette œuvre charmante, la marquise de la Tourménil n'aurait pas mieux demandé que de se reposer, et elle en aurait certainement eu le droit. Mais le repos n'est guère fait pour les mères, et la marquise ne tarda pas à devenir la proie d'une agitation fiévreuse que beaucoup de nos lectrices comprendront. Jeanne Bérengère avait atteint sa 19e année, et il fallait songer à la pourvoir d'un mari. C'est là, sans contredit, pour les mères, une heure solennelle. Qu'elles en soient fort troublées, ce n'est pas ce qui nous étonne. Ce qui nous étonne, c'est qu'elles ne le soient pas encore davantage. Mais si jamais une mère doit éprouver, en ce moment critique, de mortelles angoisses, c'est celle qui a eu, comme madame de la Tourménil, la vertu de bien élever sa fille. C'est celle qui, en pétrissant de ses chastes mains cette jeune âme et ce jeune corps, en a si profondément raffiné, épuré et comme spiritualisé les instincts. Il faut bien qu'elle se dise, cette mère, qu'une jeune fille, ainsi faite et parfaite, est séparée de la plupart des hommes qui courent nos rues et même nos salons par un abîme intellectuel et moral aussi large que celui qui la sépare d'un nègre du Zoulouland. Il faut bien qu'elle se dise que livrer sa fille à un de ces hommes, c'est la livrer à la pire des mésalliances et dégrader indignement son propre ouvrage. Sa responsabilité en pareille matière est d'autant plus lourde que les jeunes filles, dans nos mœurs françaises, sont absolument hors d'état de prendre une part sérieuse au choix de leur mari. À bien peu d'exceptions près, elles aiment d'abord de confiance celui qu'on leur désigne pour fiancé, parce qu'elles lui prêtent toutes les qualités qu'elles lui souhaitent.